Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le podcast qui vous parle d'un film chaque jour. Et aujourd'hui, je vous présente Bunny Lake is Missing d'Otto Preminger. I'm looking for my daughter Bunny Lake. The search for the child who disappeared from a Hampstead nursery school this morning continues. Since she couldn't have gotten out of here by herself, it means someone took her out. The question is who? You know what she told me? This has happened before in this school. What are you doing here? The police were here. I don't care for the police. The child's name's nowhere in our records. She's not in your card index, so she doesn't exist. What are you suggesting, Mr. Lake? You tore up the card, pulled the page out of the ledger as soon as there was any trouble. Bunny Lake is Missing, ça raconte l'histoire de Anne Lake, qui un matin va déposer sa fille à l'école, sauf que elle doit partir très vite. Du coup, elle la laisse sous la responsabilité de la cuisinière. Elle revient à la fin de la journée donc pour aller chercher sa fille, et là on lui dit que la classe de sa fille est déjà sortie et que donc sa fille n'est pas là, et donc sa fille a disparu, et elle cherche la cuisinière, mais la cuisinière n'est pas là, donc elle ne peut pas l'éclairer sur ce sujet. Et donc il va y avoir des recherches qui vont être lancées par la police, et il va sacrément y avoir un doute sur est-ce que l'enfant est réel ou pas, parce que la mère, quand elle était petite, a eu une amie imaginaire qui s'appelait Bunny. Et donc la police va commencer à se dire que Bunny Lake n'est tout simplement pas réelle et que c'est le fruit de l'imagination de la mère, et que cette petite fille n'existe tout simplement pas. Alors c'est un film qui est assez vieux puisqu'il est sorti en 1965, donc ça commence à dater un peu. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il est d'une telle maîtrise qui se regarde parfaitement aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fascinant dans Bunny Lake, c'est que la mise en scène va être opposée au dialogue. C'est-à-dire que tout dans les dialogues, que ce soit le frère de Anne ou que ce soit Anne elle-même, va vous indiquer que cette petite fille est réelle, va vous indiquer que Bunny Lake existe et qu'on fait vraiment face à une mère qui a perdu son enfant. Mais tout ce qui va se passer, tous les événements qui vont se passer, vont vous montrer le contraire, c'est-à-dire que vont vous montrer que la mère est en train de délirer et que Bunny Lake n'a jamais existé. Et donc bien évidemment, le dénouement est décisif, voilà, parce que forcément vous allez savoir qui a raison dans le dénouement. J'ai trouvé ça extrêmement bien réalisé, il y a vraiment des plans qui m'ont marqué et que j'ai encore en tête. Je pense au plan avec la poupée, voilà, avec je n'en dis pas plus hors contexte pour ne pas spoiler. Je pense aussi au plan où le frère de Anne est dans la serre, voilà, je n'en dis pas plus, voilà, hors contexte pour ne pas spoiler. C'est magnifiquement bien mis en scène, vraiment. Je pense que beaucoup de réalisateurs aujourd'hui devraient s'inspirer d'Otto Preminger, parce que c'est absolument fou. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona, ce qui est mon cas, j'ai fait le rapprochement donc en voyant Bunny Lake après, parce que j'ai vu L'Orphelinat avant, enfin bref. Le générique de L'Orphelinat est un hommage, ou enfin en tout cas inspiration et ou hommage à Bunny Lake. Voilà, c'est le même type de générique, c'est-à-dire que en gros c'est comme si on avait mis une feuille sur une source de lumière. La feuille ne laisse pas passer la lumière et on déchire la feuille, et en dessous de la feuille il y a marqué des choses qui font le générique, voilà. C'est comme ça, c'est assez bien fait, je trouve. Rien qu'au générique on se dit ok, là on va assister à quelque chose, voilà, puisque rien n'est laissé au hasard et tout est bien fait. C'est un film que j'aurais énormément de mal à caser dans une catégorie, parce que dans le pitch on nous annonce un thriller plutôt mystère quoi, voire même policier, sauf que il y a quelques passages qui peuvent faire penser à de l'horreur. Il y a certains plans notamment qui m'ont fait penser à de l'horreur et qui m'ont terrifié, tout simplement. Enfin terrifié moins que des films d'horreur évidemment, mais terrifié dans un film où j'abusé sur le mot terrifié, mais voilà, des plans qui dans un film policier ou fantastique n'auraient pas dû me faire peur. Voilà, je pense à l'interprète du frère de Anne Lake, qui s'appelle Stephen Lake, le frère, et l'acteur c'est Keir Dilloa. Donc grand bravo à lui parce que tout simplement il joue vachement bien et sa performance est très convaincante. Sans trop spoiler, il a un double rôle qui est absolument génial et qui gère parfaitement bien. Donc voilà, moi c'est vraiment lui qui m'a marqué dans ce film. Si je devais retenir une performance, ce serait la sienne. Alors Carol Linley dans le rôle de Anne Lake est aussi c'est une très bonne actrice qui tient son rôle, qui le tient jusqu'au bout. Mais je dois avouer que la performance de Keir Dilloa m'a beaucoup plus impressionné. Il y a aussi la musique du film qui donne totalement l'impression de regarder un film fantastique et pas un film à mystère. Il y a un côté fantastique dans le film, on va pas dire le contraire, parce que c'est une petite fille, on ne sait pas si elle est réelle, on ne sait pas si elle est imaginée, donc forcément il y a ce côté fantastique, mais dans tous les cas ça brouille pas mal les pistes et ça sait se balader entre les genres, et comme j'ai dit, c'est d'une maîtrise absolument folle. Et ça prouve que peu importe l'âge d'un film, il peut être excellent s'il est bien fait. Là, je trouve que, bon, évidemment, il y a des effets qui vont vous crier « Ah oui, ok, ce film a été fait dans les années 60 », mais franchement, le film a extrêmement bien vieilli et il se regarde toujours autant. Voilà, c'est un film en noir et blanc. Le noir et blanc, je trouve, apporte vraiment, vraiment quelque chose sur certains plans. Je parlais du plan de la poupée, le plan de la poupée notamment. Je ne sais pas s'il aurait été aussi beau en couleur. Ça reste quand même un beau noir et blanc, voilà, dans l'ensemble ça reste un beau noir et blanc. Après je ne suis pas du tout spécialiste du noir et blanc, loin de là, mais en tout cas ça reste agréable à regarder et je saurais pas forcément compléter quoi dire de plus. Le point fort ça reste quand même la réalisation et le scénario, tout simplement. Évidemment c'est les deux trucs qui s'opposent, voilà, c'est les deux trucs qui s'opposent, donc si un des deux est en dessous de l'autre, forcément, ça le fait pas, et là, pour le coup, la mise en scène est aussi bien que le scénario, et c'est ce qui fait que le film marche, et c'est ce qui fait que on croit à cette opposition entre ce qui se passe visuellement et ce qu'on entend, et Bunny Lake, c'est absolument fabuleux, c'est un film qui passe assez inaperçu en raison de sa vieillesse, on va dire ça comme ça, mais c'est un film qui faut voir, puisque ça peut totalement ouvrir la porte à d'autres films. C'est vrai que quand un film est en noir et blanc, ça a tendance à un peu rebuter certains qui vont se dire ouais non j'ai pas envie de voir ça. Là pour le coup c'est vachement intéressant de le voir pour s'intéresser à un cinéma qui est peut-être un peu plus ancien, mais qui est plus dans le réalisme, dans la maîtrise technique, et qui va moins se concentrer sur des effets spéciaux, etc., puisqu'il n'y avait pas forcément de moyens à l'époque. Alors le gros bémol avec ce film, c'est que comme il est vieux, il n'est pas trouvable à beaucoup d'endroits, mais vous pouvez seulement le trouver chez Orange à la location et à l'achat. Ou alors, je sais pas si on vend encore des DVD en France, je pense qu'on doit encore vendre des DVD de ce film en France. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vrai que c'est pas pratique parce qu'il est pas hyper trouvable. Mais toujours est-il que si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Voilà, moi j'ai trouvé ça formidable. Après, encore une fois, le cinéma est subjectif, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et pour ma part, je vous dis à demain pour une nouvelle présentation de film.